verras tous les deux, on se dira des mots affreux, dégueulasses. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie qui salit les codasses. Tu verras tous les deux, on s'offrira des tremblements de cœur, tachycardie du à l'ennui, ça va grimper sur l'échelle de Richter. Nos deux corps ne seront plus radiateurs, nous aurons froid quand l'hiver viendra. Et c'est pour ça que je mettrai tout le monde en amour sur un compte bancaire, hypothécaire à Genève, oui. C'est pour ça que je mettrai la première nuit d'amour sur un compte bancaire au pays des secrets précaires, car le temps n'arrangera pas nos affaires. Tu verras tous les deux, nous ne serons plus deux amants, aux épaules collées, mais deux aimants, aux pôles opposés. Tu verras tous les deux, ce sera un nouveau Guernica, bombardement d'emmerdement, je sais, c'est pas très marrant. Et c'est pour ça que je mettrai tout mon nuit d'amour sur un compte bancaire, hypothécaire à Genève. Ah bah oui, c'est pour ça que je mettrai toute ma vie d'amour sur un compte bancaire au secret après-guerre. Oui, c'est pour ça que je mettrai toute ma vie d'amour sur un compte bancaire au pays des secrets après-guerre.